la mama. I love you. Ici la chérie. La lingue. Ici la momia. Ici la mama. Mama, I love you. Ici la chérie, la lingue. Ici la momia, la lupenda. Ici la mama.